Bonjour, welcome to French Pod, America. Salut, je m'appelle Amaury et aujourd'hui nous avons une nouvelle leçon intermédiaire. An intermediate lesson. Now we have Santa Claus. Le Père Noël. In a lot of places, but in France, you have the antithesis of Santa Claus, don't you? Oui. What's his name? Le Père Fouettard. And who is this guy, the Père Fouettard? Alors le Père Fouettard, il est là pour les enfants qui n'ont pas toujours été sages. Et donc, il vient pour les punir. So in France, rather than say something like Santa Claus isn't gonna come if you're bad, what happens instead is c'est le Père Fouettard qui va venir. And he's scary, right? Voilà. Oui, parce que le Père Fouettard, il ne donne pas des cadeaux. Does he give something else? Oui. What? Well, we'll see. So this is something that terrifies all French children, right? Exactement. And now we're gonna hear a little kid gonna maybe have an encounter with Père Fouettard. Mm-hmm. So let's listen in. Petit Amaury, tu sais qui je suis? Oui, tu es le Père Fouettard. Alors, tu sais pourquoi je suis venu? Tu as été vilain. Moi? Mais non, tu t'es trompé de maison. Je suis un gentil petit garçon. Je n'ai rien fait de mal. Ce n'est pas beau de mentir. Je vois tout. Par exemple, tu as cassé la fenêtre des voisins. Mais je ne l'ai pas fait exprès. Je jouais au foot. C'était un accident. Et quand tu as écrit sur la table avec le rouge à lèvres de ta maman, c'était un accident? Ce n'est pas ma faute si je n'avais plus de crayon de couleur. Plus d'excuses. Il te reste 2 semaines avant Noël pour changer de comportement. Sinon, tu sais ce qui t'attend. Non! Maman! Papa! Je suis désolé. Je ne ferai plus de bêtises. Je serai sage. Je le promets. Any resemblance to real people in this dialogue is purely coincidental. The fact the kid's name is Petit Amaury. Bien sûr, bien sûr. It's just a coincidence. Moi, je ne connaissais pas le Père Fouettard. J'étais sage. Okay, well, so this isn't you. Non. Just happens to have your name. All right, so the Père Fouettard, he comes, says, tu sais qui je suis. Et l'enfant le connaît. Tu es le Père Fouettard. Oh non, not le Père Fouettard. Fouettard, let's talk about that. Donc dans le mot fouettard, on a le mot fouet. Which is a whip. Voilà. So it's kind of like the whipper. Exactement. En fait, il donne des coups de fouet aux enfants qui ne sont pas sages. That's so terrible, he whips them. Oui, mais that's Erika, scary. Explique un peu quand même. Ce n'est pas si méchant, hein. Yeah. Ah. Yeah, it is. I don't think it sounds as bad in French, though, as it does in the English translation. Peut-être, oui, parce que c'est nous, il est là pour les punir, mais pas pour les torturer. Right, okay. Yeah. And he's like, well, if you know my name, then... Alors, tu sais pourquoi je suis venu. You must know why I'm here. Tu as été vilain. What's the adjective here? Vilain. Vilain, when you're bad, you're being vilain for kids. Exactement. Quand on fait de mauvaises choses, on est vilain. And he's like, me? Moi? Mais non! Tu t'es trompé de maison. You must have the wrong house. Ouais. Tu t'es trompé de maison. On dit se tromper de quelque chose. It means to mix it up, get the wrong one. Voilà. So you must mean to go to the neighbor's house, Père Fouettard. It's not me. Puisque moi, je suis un gentil petit garçon qui n'a rien fait de mal. Je n'ai rien fait de mal. If I want to say, I didn't do anything. Je n'ai rien fait. But if I didn't do anything bad. Je n'ai rien fait de mal. Je n'ai rien fait de mal. What does Père Fouettard think about that? Que c'est un mensonge, puisqu'il lui dit, ce n'est pas beau de mentir. So that's a fixed expression. Voilà. And it's mostly to children, right? It is not beautiful to mentir. Ce n'est pas beau de mentir. Pour les adultes aussi, ce n'est pas beau de mentir. Mais généralement, on ne le dit pas à notre adulte. Yeah. C'est plutôt by now, you should know that as an adult. We're trying to change you. And so, just like le Père Noël. Attention, le Père Fouettard, il voit tout. Even if other people can't see you, le Père Fouettard can. Il voit tout. And then he starts giving him some examples of ways he's been vilain recently. Par exemple, le petit Amaury, il a cassé la fenêtre des voisins. For a fenêtre, he uses the verb casser. Oui. When you break it. But le petit Amaury claims c'était un accident. Oui, puisqu'il jouait au foot. Right, things happen. He didn't mean to casser la fenêtre des voisins. He jouait au foot. Et donc, il ne l'a pas fait exprès. Faire exprès, c'est do it on purpose. Je ne l'ai pas fait exprès. Like, for example, you stepped on my foot when we walked in here. Tu l'as fait exprès? Mais non, Erika, je ne l'ai pas fait exprès. Ok, c'était un accident. Tu crois que je suis vilain? No, ah. I believe you. I don't think tu mens, because ce n'est pas beau de mentir. Et oui. So maybe that could be an accident. Then the perforator is like, oh yeah, well, what about this? Et oui, et quand il a écrit sur la table avec le rouge à lèvres de sa maman, c'était un accident aussi? Probably not. That, I'm sure, il a fait exprès. Le rouge à lèvres, lipstick. Oui. So he took le rouge à lèvres. And what did he do with it? Il a écrit sur la table. Il est vraiment vilain, le petit Amory, non? But he has an excuse for that. He's going to come back. Il est intelligent aussi, puisqu'il dit, ce n'est pas ma faute si je n'avais plus de crayon de couleur. Crayon by itself is a pencil. Oui. If you want to say what we call crayons. Il faut rajouter deux couleurs. So that's why he felt he was justified to instead use le rouge à lèvres. Ouais, mais ça ne justifie pas pourquoi il a écrit sur la table. Right, that's what he doesn't get there. He missed that part, I think. Là, il a fait une erreur, le petit Amory. Right, and I think because of that, the perforateur has had enough of this. Ouais. Listen, plus d'excuses. I don't hear any more of your nonsense. Donc, maintenant, il lui reste deux semaines avant Noël pour changer de comportement. So what's that noun there? Comportement. Behavior. Oui. The way you act is your comportement. Voilà. And obviously, le petit Amory, he needs to changer de comportement. Il a un mauvais comportement. Right. And so what happens if he doesn't? Sinon. If he doesn't do this, sinon. Tu sais ce qui t'attend. So he doesn't even have to tell le petit Amory what's going to happen because il sait ce qui l'attend. Oui. Les enfants savent ce que Père Fêtard leur fait. Right. And then we are kind of relieved for le petit Amory because we hear him wake up from a nightmare. Oh, it was a dream, thank gosh. And he runs into his parents' room and immediately starts to changer de comportement. Donc il s'excuse, il promet qu'il va changer de comportement. Right. Puisqu'il dit, je ne ferai plus de bêtises. Faire une bêtise is to do something stupid. Ouais. It can be just something really dumb. That was so dumb for me to do that. J'ai fait une bêtise. Voilà, quelque chose qu'on n'aurait pas dû faire. And so for especially when kids, when they act vilain. Il promet qu'il ne fera plus de bêtises et qu'il sera sage. The opposite of vilain. Oui. Sage. D'ailleurs, il le promet. Attention! In French, you have to make sure that when you say I promise it. Je le promets. Oui. You can't say it without the le there, right? The le has to be there. Okay. Je le promets. Bon, well, is it going to be too hard for you if we listen to that dialogue again? I'm telling you, there's nothing in between the petit Amory and this dialogue and me. Il n'y a rien à voir entre ce petit Amory et moi. It's just a coincidence. Exactement. Okay, let's listen to it one more time then. Petit Amory, tu sais qui je suis? Oui, tu es le père Fouettard. Alors, tu sais pourquoi je suis venu? Tu as été vilain. Moi? Mais non, tu t'es trompé de maison. Je suis un gentil petit garçon. Je n'ai rien fait de mal. Ce n'est pas beau de mentir. Je vois tout. Par exemple, tu as cassé la fenêtre des voisins. Mais je ne l'ai pas fait exprès. Je jouais au foot. C'était un accident. Et quand tu as écrit sur la table avec le rouge à lèvres de ta maman, c'était un accident? Ce n'est pas ma faute si je n'avais plus de crayon de couleur. Plus d'excuses. Il te reste deux semaines avant Noël pour changer de comportement. Sinon, tu sais ce qui t'attend. Non! Maman! Papa! Je suis désolé. Je ne ferai plus de bêtises. Je serai sage. Je le promets. So this is funny for people who don't have this père fouetteur that you have, like the antithesis of the Père Noël. Ben oui. And so the idea is that he will come on Christmas night and whip them. La nuit de Noël ou même avant, tu vois, c'est un peu la période de Noël pour qu'il soit gentil avant. Right. Tu vois? Et changer de comportement. Exactement. Just before. Pour qu'ils soient sages. On remarque quand même que les enfants sont plus sages à la période qui précède Noël. Yeah. Tu trouves pas? I think that's true. Even without the Père Fouettard. Même sans le Père Fouettard. Sure, le Père Noël comes. So do you know what le Père Fouettard looks like? En tout cas, il est vêtu de noir. Il est sombre. Ok. On en trouvera, on mettra des photos du Père Fouettard sur la page de discussion de cette leçon. Ok, cool. Attention, il fait peur. Hein. Ok. Je vous le dis, attention. Il y a des histoires concernant le Père Fouettard. On ne dit pas seulement que le Père Fouettard va venir, et que le Père Fouettard va l'emmener. Oh, take them away? Voilà, s'il est vraiment... So that's enough to make any kid changer de comportement and be sage. All right, please come and visit the site frenchpod.com if you have questions or want to talk or see this picture of the Père Fouettard. Oui, et plus d'excuses, tout le monde doit venir. What's going to happen to a mommery if they don't come visit the site? Eh bien, le Père Fouettard... va venir vous voir, chers auditeurs. So you better come check it out. Ok, merci. À très bientôt. Au revoir.